Belle voix. Voilà, il parlera comme ça. Très bien. Et pas autrement. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude Donda. Virginie Bonin, Vox. Non, lesvoix.fr, c'est l'association dont fait partie d'ailleurs Jean-Claude, Simone Hérault et moi. On est 200 comédiens voix off et on a organisé il n'y a pas longtemps une rencontre entre trois voix de doublage, Bruce Willis, Harrison Ford et Mel Gibson, et avec Jean Dujardin, c'est sur le Facebook. Très bien, lesvoix.fr. Je vous donne la parole dans un instant, Virginie. Demain, on se retrouve à 15h sur RTL, une émission pour vivre mieux, puisque je recevrai Jérémy Pichon. Figurez-vous qu'avec sa famille, ils vivent en ne gaspillant rien. Le quotidien zéro déchet, c'est à 15h demain sur RTL. Tout de suite, voici les voix de Laurent Ruquier des Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. RTL, il est 16h. Place à l'information avec vous, Marie Guerrier. Marie. Les assurances se sont engagées à mettre en place des procédures simplifiées pour indemniser les sinistrés des inondations de ces derniers jours. La secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, explique qu'une photo pourra suffire, par exemple, pour faire la preuve de ce qui a été perdu. Pas besoin de facture ou de passage d'un expert. Environ 470 000 sinistres ont d'ores et déjà été déclarés dans 28 départements. 14 départements restent placés en vigilance orange crue cet après-midi. En Normandie, où la Seine reste très haute, conjuguée à l'effet de la marée. En Ile-de-France, où notamment la rivière l'Essonne n'a pas encore atteint son pic. Et puis dans le centre, Val-de-Loire, où la décrue est très lente et des orages sont annoncés localement en fin de journée. Le trafic SNCF est perturbé pour le sixième jour d'affilée. À la gare Montparnasse à Paris, des manifestants ont envahi les voies en début d'après-midi pendant plusieurs minutes. Tout près de là, la direction de la SNCF et les syndicats sont réunis depuis 9h30 ce matin pour d'ultimes négociations et essayer de sortir de cette grève. Au Havre, la grève a été reconduite dans les terminaux pétroliers. Côté raffinerie, l'activité redémarre à Grandpuits, en Seine-et-Marne. Même chose à Fézin, près de Lyon. En revanche, à Donges, en Loire-Atlantique, une trentaine de grévistes de la CGT bloquent la raffinerie malgré le vote en faveur de la reprise de l'activité. Des opposants à la loi travail lancent une opération carton rouge pendant l'Euro de football. Ils appellent les supporters à se mobiliser contre le texte dans les stades, les fan zones, les bars, en brandissant des affichettes qui seront imprimées à 30 000 exemplaires et distribuées à partir de vendredi prochain, jour d'ouverture de l'Euro. On pourra lire sur ces affichettes « carton rouge à la loi travail » ou bien « je soutiens les bleus mais pas la loi travail ». Autre action en préparation, toujours pendant l'Euro, une opération intitulée « casserole debout ». Le 17 juin, des concerts de casseroles seront organisés devant les mairies partout en France à 20h, l'heure du journal télévisé. Les courses cet après-midi à Auteuil, on rejoint Bernard Glace. Avec un rappel bien entendu de l'arrivée du Quintet, Marie, c'était la première épreuve, le numéro plus 664 et la bonne combinaison, le 4, le 6, le 12, le 16 et le 14. La troisième, victoire du 4, l'Astunas, 5,31,90 devant le 3, My Big L, 1,40, troisième place pour le 2, Cotin Madric. La quatrième course a eu le succès brillant du 5, Gallo-Marin, 9,70 et 3€ devant le 2, Castelnaya, 1,80, troisième place pour l'As Baltico, et puis à l'instant l'arrivée de la cinquième, succès du 9 Liberator à 6 contre 1 devant le 12 Break qui était à 20 contre 1 et le 10 Cap et pas Cap à 3 contre 1, quatrième place pour le 3 9, 12, 10, 3, la cinquième. Les rapports à la suite bien sûr dans un peu plus d'une heure. À tout à l'heure Bernard, il est 16h03, vous êtes sur RTL, tout de suite les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Avec les téléphones et smartphones d'Oro, échangez avec vos proches, partagez vos photos ou trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Oro sur doro.fr. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête tellement sexy qu'à la campagne on l'appelle 50 nuances d'engrais, Karine Le Marchand. Bonjour. Une grosse tête qui pense que l'amour est dans le champ plutôt que dans le pré, Ariel Dombal. Une grosse tête qui a su dresser un chat savon puisqu'il sait lui faire faire des bulles, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête dont on se dit que la dernière fois qu'il a plongé dans la Seine, c'était en 1910, Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête qui peut vous bâcher plus rapidement qu'un cours de Roland-Garros par temps de pluie, Pierre Bénichoux. Et je vous demande d'accueillir une nouvelle grosse tête, quelqu'un qui vient chez nous pour la première fois. On lui doit des chansons comme Double Jeu, Jacadi, Berlin ou L'été en hiver, même si c'est plutôt le contraire en ce moment, Christophe Willem. Ariel, vous allez avoir de la concurrence, enfin un vrai chanteur dans cette émission. Mais c'est vrai, je suis tout à fait grisée. Alors maintenant, on ne l'appelle plus la tortue, bizarrement. Ah, je ne sais pas. Il est devenu rapide comme une flèche. Pourquoi vous appelez la tortue? C'est vrai, on vous... Je ne sais pas pourquoi. Non, bah, c'était par rapport au pull vert et quand je me tenais, ouais, à l'époque. Ah, c'est à cause du pull vert. Je me demandais aussi pourquoi. Audrey pull vert. Non. Aucun rapport. Pierre Bénichou, vous êtes content d'accueillir un petit nouveau, un vrai chanteur, lui. Ah, bah, je suis fou de joie. Vous le connaissiez, Christophe Willem? Oh, bien sûr, pas dans la vie, il ne faut pas exagérer. Mais des disques, des bouquins surtout. Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Des petits conseils, bonjour Philippe, Christophe Willem, des petits conseils peut-être pour les grosses têtes. Je pense que Pierre Bénichou a dit le principal. C'est-à-dire? Je ne veux pas rien. Bon, je sais pas, alors peut-être Karine Le Marchand peut conseiller Christophe. Bah écoutez, moi je prends exemple sur Ariel qui, quand elle est venue il y a quelques mois, était raffinée d'un monde un peu élitiste et qui maintenant est une grosse cochonne. Je tiens à vous dire, Christophe, que vous allez laisser... Contrairement à vous, Karine... Vous, c'est l'inverse. Elle est venue totalement plus, Karine. En fait, oui, d'ailleurs, je ne dirai plus de gros mots. Non. Ariel vrai. N'est absolument pas devenue ce que vous dites. Ariel est toujours d'un tact... Elle se lâche. D'un raffinement, d'un... Non, mais c'est-à-dire que j'ai surtout appris beaucoup de choses. Ah oui. De l'ordre, il faut dire, de sous la ceinture. Non, mais Laurent, comme vous le faisiez remarquer hors micro tout à l'heure, Ariel s'est tout de même attaché deux boules poilues au-dessus de la queue de cheval. C'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que ça, vous avez dans les cheveux? Voilà, j'ai voulu me mettre dans le ton de l'émission tout de suite. C'est un chouchou de manière j'ai jamais vu un chouchou aussi poilu. C'est vrai que c'est... Oui, ça a donné dans le poil, pour le coup. Non. Ça sort d'où, ça? Non, mais ce sont deux boules de neige, théoriquement. Non, c'est des couilles de vison. Une première citation pour mettre tout le monde d'accord. Je vous signale, cher Christophe Willem, qu'il faut retrouver l'auteur des citations. Sinon, c'est 300 euros qui vont à nos auditeurs. Par exemple, Isabelle Bourdin espère un chèque RTL. Elle habite dans le Finistère. Et voici la première citation du jour. Qui a dit « Aujourd'hui, les voyages sont rapides. On part avec deux lapins et à l'arrivée, ils sont encore deux. » J'ai pas compris. Ah bah si, moi je vous explique. Bah oui. J'ai rien compris du tout. Bon, aujourd'hui, les voyages sont rapides. On part avec deux lapins et à l'arrivée, ils sont encore deux. Ça y est, alors qu'avant, ils étaient 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un mec comme ça, Fedo, non, c'est américain. Ah, c'est américain. Mark Twain, non. Ça a plus d'un siècle. Mais c'est vieux, effectivement. C'est quelqu'un qui est mort à 100 ans, d'ailleurs. Le dernier des Mohicans. Non. Non. Jane Calment. Non. Jane. Elle était pas américaine, Jane Calment. Yes. Mais si prononcée comme ça, si. Mr. Maybe. Stevenson. Non, non, non. Quand, généralement, il y a une grosse tête assez maligne dans l'équipe et que je dis il avait 100 ans quand il est mort, généralement... Le nom fuse. Le nom fuse, vous voyez. C'est un écrivain. Il n'y a pas tant d'Américains qui sont morts à 100 ans. Voyez. Charlie Chaplin, non. Il est mort en France. Ah non, il est mort à Los Angeles. D'ailleurs, il était né à Londres. C'est un faux américain. Mickey Rooney. Non, l'autre. Jerry Lewis, non, il est pas mort. Il est pas mort. Peter Daltney. Vous savez que vous pouvez réfléchir tout bas, Ariel. Donald Trump. Non, non, enfin, Walt Disney. Il a des idées de 100 ans, mais il n'a pas l'âge. Ah oui, Walt Disney est mort à 100 ans. Non, non, non, pas Walt Disney, non. Non, oui. Non, il est mort beaucoup plus jeune, Walt Disney. Il s'est fait congeler, d'ailleurs. Aujourd'hui, vous savez de quoi il est mort? Bob Hope. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'est bien Bob Hope. Walt Disney qui s'est fait cryogéniser pour se faire éventuellement éveiller un jour. Oui. Vous savez de quoi il est mort? Non. Un refroidissement. Une autre citation, encore américaine celle-là, tiens, pour Samy Brossard, qui habite Plouézec, dans les Côtes d'Armor, qui a dit « J'ai connu Doris Day avant qu'elle ne soit vierge. Ah, ça c'est beau. Ça c'est mignon. C'est drôle, non? Ça peut être Woody Allen. Ça pourrait être du Bénichou, d'ailleurs. C'est Marx. C'est Groucho Marx. Bonne réponse de Bernard Mabille. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là ? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme ? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%. Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence ? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant ? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Hey, vous m'entendez ? C'est moi, l'oiseau du jardin. Wow, je vole au-dessus des innovations conceptalu. Véranda, extension, abri de piscine et même des pergolas. Et en ce moment, à des prix exceptionnels. Véranda conceptalu, l'innovation, moi aussi j'en veux. Voir conditions dans les points de vente participants. Electro Dépôt. Cet été, pour tous les événements sportifs, soyez électro-tranquille. Nos produits sont garantis 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Et en cas de panne, la grande télé, faut la ramener ? Non, on se déplace à domicile gratuitement. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Garantie soumise à condition, voire détail en magasin. Electro Dépôt, élue meilleure chaîne de magasins multimédia électroménager de France. Baptiste, oui ? On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi ? Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 euros. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6, réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr. Et pour bien commencer la semaine sur RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question maintenant pour Olivia Lievray qui habite Montigny-les-Cormeilles dans le Val-d'Oise. Vous avez évidemment tous entendu parler des inondations ce week-end. Pour ne pas en entendre parler, il aurait fallu être sourd et ne pas les voir être aveugle. Ou scaphandrier. Mais pourquoi ? Mais non, justement, les scaphandriers, les ont vus, les inondations. Mais non, s'ils sont en mission. Ah, elle a raison. Ah, oui. C'est malin ce que vous avez dit, Ariel. Ah, oui, c'est très malin. Laurent, est-ce qu'on vous a... Vous savez que pour un poisson, il ne pleut jamais. J'avais pas pensé à ça. Bon, mais c'est pas ça ma question. Ma question, évidemment, concerne la ville de Montargis. On en a beaucoup entendu parler ce week-end. Alors, Montargis. Eh oui, vous connaissez Montargis. Eh oui, la Venise du Nord. Exactement. Mais justement, quel est le nom de la rivière qui traverse Montargis et dont le Loing. Le Loing. Bonne réponse de Bernard Mabie. Je savais que j'étais tout prêt. Voyez, ça c'est bien, Bernard. Vous avez retenu les aspects géographiques. J'ai vu que ça pendant tout le week-end. Exact. Et moi Loing. J'étais tout près de Loing. Je l'avais sur le bout de la langue. Vous étiez à l'ouest, Ariel. Vous connaissez le Loing, Ariel ? Mais non. Alors mais monsieur Mabie, c'est comment ? Méandreux, sinueux, ravissant. Sinueux et méandreux, je sais. c'est la partie de c'est la patrie de Jules Maigret, le Loing. Ah, c'est vrai. Parce que justement, j'ai enquêté un peu sur Montargis. Il y a quand même des tas de personnalités qui sont nées à Montargis. Ah bah oui. D'ailleurs, rappelez-vous, Jean Moulin fut sous-préfet de Montargis. Oui, là, il était Moulin à eau. Gaëtan Roussel, le chanteur, vous connaissez Gaëtan Roussel. Non. Il est de Montargis. Patricia Petitbon, la cantatrice, elle est de Montargis aussi. Jean-Marie Prolier, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Marie Prolier. Il était de Montargis aussi. La concierge aussi est de Montargis. Mais ça n'intéresse personne. Non, mais ne riez pas parce que j'ai une question pour Monsieur François Rollier, qui habite Landerneau, qui concerne encore Montargis. Évidemment, Montargis a un peu peur pour les vacances prochaines. Ah ouais, le tourisme qui risque évidemment de pâtir. Le tourisme Montargis, oui, qui risque de pâtir de ce qui s'est passé. Oui. Il y a beaucoup de tourisme à Montargis. Eh bien oui, justement, qui va régulièrement passer ? Quel couple célèbre ? Voilà ma question. Quel couple célèbre va régulièrement passer des vacances à Montargis ? Les Perrier ? C'est des marques d'eau. C'est politique. Canet et Cotillard. Je savais pas qu'ils allaient à Montargis. Moi non plus. Il y en a un qui devrait y aller pour le moment. Mais c'est quoi c'est Philippe Buvard. Non. Est-ce que ce sont des politiques? Oui. Des politiques, non. Des artistes de cinéma. De cinéma, alors, non. Manodou, Florent Manodou. Enfin. Théâtre. Non, non, non. Une question pour Monsieur Rollier, qui, à mon avis, va toucher 300 euros. Hein. Peut-être les deux sont célèbres. C'est le couple qui mais est célèbre. Mais les deux sont célèbres. Ah oui, oui. Brad Pitt et Angelina Jolie. Non, ils vont pas à Montargis, Brad Pitt et Angelina Jolie. Non. Je les ai vus là-bas. Bah oui. Peut-être un ils couple de peintres ou de photographes. Un couple de peintres ou de photographes. Non. Non. Comiques. Ils chantent, non. Ils ne chantent pas. Des amuseurs. Alors, plutôt. En tout cas, ils amusent les Français. Oui. Ceux qui se déguisent, là. Un couple qui se déguise. C'est pas Shirley et Dino. Si. Shirley et Dino, non. Macron et Juppé. Qui, eux, amusent vraiment les Français. Ils s'en sortent bien, ça. Non, un couple que tout le monde connaît, régulièrement, ils parlent de leurs vacances à Montargis. Ah, si Chevalier Las Palès, non. Bah, ils en parlent. Est-ce que c'est un couple dans la vie et à la scène? Non, c'est un couple uniquement à la scène. De deux hommes. C'est ce qu'ils font croire. Sont des hommes ou un homme et une femme? Ah non, non. Je crois qu'à la ville, ils s'entendent pas tant que ça, parce qu'on a eu des témoignages de l'un et de l'autre. C'est vraiment à la scène qu'ils sont en couple, mais à la ville, pas du tout. C'est un homme et une femme? Un homme et une femme. Ah. Remarquez, à la scène, ils s'entendent pas vraiment non plus. C'est pas le mari. Ah, c'est Hernandez et la petite, la scène de ménage. C'est qui? Hernandez et la petite. Marion Gamme. Marion Gamme et Gérard Hernandez qui s'appellent, mais leur prénom dans la série quand même. J'ai pas vu la série. Oh, Huguette et Raymond, je vous accorde la bonne réponse. Oui. C'est Huguette et Raymond, effectivement. C'est votre chaîne, hein, madame Le Marchand. Mais enfin, ils pourraient quand même se souvenir d'Huguette et Raymond quand même. C'est vrai. Mais enfin, surtout, on comprend pas pourquoi ils vont à Montargis. Ils ne s'entendent pas, ils ne s'aiment pas à la ville, ils ne s'aiment que moyennement à l'écran. Justement, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas qu'ils vont à Montargis. Venise, c'est la ville des amoureux, Montargis, c'est celle des couples qui c'est ne s'aiment pas. C'est pas vrai, c'est très très joli, oui, très Montargis, joli. Bernard. Oui, absolument. Non, mais il y a des spécialités culinaires très bonnes, oui. Je crois, là-bas. Vous n'avez jamais chanté là-bas, à Montargis? Si, moi, deux, trois fois. Non, c'est pas à vous que je parle. Non, mais j'étais chez les parents, moi. Oui. Ils m'ont fait chanter au clair de la lune, j'étais beau, moi. Non, là, c'est formidable. Non, Christophe. Je parle à Christophe Willem, c'est bizarre. Ça, je crois pas. Enfin, je sais pas. Je sais plus. C'est pour ça qu'il a plu. Oh, je sais plus. Elle était pas Caruso, quand même. Je sais plus. Ensuite, peut-être, au cours de ma déjà longue carrière, j'ai chanté au Waldorf Astoria, à Londres, ah oui, en Angleterre, oui, c'est vrai. Montargis. Moi, je trouve que c'est très joli. Tu ne te souviens pas de Montargis? Ma mère était de Montargis. Et elle t'emmerde. Voilà. Mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi un couple qui ne s'aime pas. Montargis. C'est une très jolie ville, Montargis. Il y a des crottes du chien. C'est quoi? C'est le praliné noisette spécialité de la ville. Je savais. Les crottes du chien dans une coque de nougatine entourée de chocolat noir. Oui. Et non, mais je vous le dis parce que les pralines sont. C'est formidable. Sont formidables. Mais les gens bien éduqués ramassent avec un petit sachet. vous connaissez le patron qui est là, le 22 décembre, il y a le chef du personnel qui arrive et qui dit on a un cadeau pour vous. Alors il ouvre, il dit des crottes, c'est bien. Et là tu fais ouais. Il dit en chocolat, il dit non. Mais ça, c'est une histoire de Toto que vous nous racontez. Mais oui, mais ça nous fait rire. C'est les meilleurs, les histoires de Toto. Bon, tiens, j'en ai une autre. Depuis quand tu manges des carambars? Enfin, on n'est quand même pas aux grosses têtes pour raconter des blagues de Toto, monsieur Bénichou. Oui, justement. Ah, moi, je suis pour un retour à la Terre. Ah, j'y vais tout à l'heure. L'enfance. C'est vrai, vous retournez faire L'Amour est dans le Pré? Je vais tourner le bilan, là. C'est qu'Ariel ne manque pas une émission de L'Amour est dans le Pré. Non, mais je suis très fan de Karine. Ah. Oh, elle est mignonne. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il existait des agriculteurs avant de voir l'émission de Karine? J'avais ouï dire qu'il y a quelques manants. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bien, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de Simon. Simon? C'est qui Simon? Bien essayé. En attendant, les sacs de Simon, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité CarePort Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxe sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution CarePort Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr.

Cécile, vous allez peut-être partir dans un très bel hôtel. L'hôtel Beau Rivage, c'est face au lac de Gérardmer dans les Hautes-Vosges. Un beau bâtiment style années 50 avec des grands volumes confortables, beaucoup d'élégance dans sa décoration. Il y a une piscine couverte, un espace spa et beauté. Ben ça vous permettra d'être à votre tour cliente de ce genre d'endroit, n'est-ce pas? Et vous logerez dans une des 54 chambres qui ont une vue magnifique sur le lac de Gérardmer et les montagnes des Vosges. Allez voir sur beaurivagehotel.fr. Vous saurez les deux nuit que vous allez passer là-bas avec beaucoup plus de détails. Cécile, vous êtes prête ? Oui. Alors attention, voici la question, elle concerne le tennis féminin puisque les Françaises ont réussi un coup double, c'est le cas de le dire puisque c'est en double qu'on a gagné Roland-Garros ce week-end. Vous avez peut-être vu les deux Françaises qui ont remporté le double dames face à la paire russe Makarova-Vesnina. Alors, parmi les deux Françaises, Kristina Mladenovic qui est une des deux Françaises et l'autre, elle s'appelle comment ? Garcia. Et son petit prénom quand même ? Oui, je ne l'ai pas noté. Bon, alors on va dire Mme Garcia, alors, ou Mademoiselle Garcia. Caroline Garcia, vous avez gagné, bravo. Cécile. J'avais révisé avant votre appel. Ben vous avez bien révisé, effectivement. Elles ont gagné Roland-Garros en double dame. C'était marrant de les voir, une blonde, une brune. Dames. Évidemment, Caroline Garcia, vous l'aurez compris, c'est la brune. Kristina Mladenovic, c'est la blonde. Ouais. Et quand vous dites face à la paire russe, vous voulez dire c'est comme à l'époque des nageuses est-allemandes ? Non. Non, elles étaient deux russes aussi face à elles. Non, c'est épouvantable. Moi, je dirais, je ne regarderai plus jamais Roland-Garros. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ces quatre filles qui étaient ravissantes et qui jouaient très bien, étaient accoutrées du violet, on aurait dit des coureurs cyclistes, alors qu'elles étaient si mignonnes avec leurs jupettes, il y a encore quelques temps. Ah oui, quand elles se penchent. Et un léger petit... Crocodile. Crocodile, voilà. En souvenir de la cause de Pétain, de Barotra, de tout le monde. C'était vraiment très bien. Quant au match, il n'y avait pas un match plus décevant que cette finale hier. Ah, la finale homme. Oh, je l'ai suivi de bout en bout. Moi, je préférais l'anglais. L'écossais, vous voulez dire. L'écossais. Pareil. Ah non, c'est pas pareil. L'écossais. Et quand il jouait en kilt, c'était magnifique. Non, mais alors, en plus. Quand il jouait en kilt, il y a un mec qui était dans Roland Garros qui a dit ça me rappelle Pierre Benichou au théâtre, j'étais au premier rang. Non, Djokovic, il est très bon. Mais il est trop laid, quand même. Djokovic ? Ah oui. Ah non, oui. Il est pas laid. Il est pas laid. Il est pas laid. Ah non. Avec les yeux comme ça, des yeux de prédateur. Il est tous les gens qui ont les yeux près du nez sont des salauds. Mais c'est souvent d'avoir les yeux près du nez. Hein. Tout le monde a les yeux près du nez. Évidemment. Oui. Plus près du nez que de Montargis, mais vraiment contre le nez. Ça veut dire rapproché. Moi, j'en ai connu un qui avait les yeux derrière la tête. Il n'était pas gentil non plus. En tout cas, il rate pas les balles. Il peut avoir les yeux très rapprochés, mais ça lui permet de ne pas rater les balles. Justement, il regarde la balle sans arrêt. Mais il va pas regarder le ballon. Ah oui, le charme, c'est mais là, évidemment... Là où Pierre n'a pas tout à fait tort, c'est qu'un autre salaud qui avait les yeux rapprochés, c'était George Bush. Ah oui ? Il avait les yeux très très près de la rue du nez. Très près du bonnet. Ouais. Oui, mais il n'a pas raté la chaussure. Et Le Pen... Il a raté ses chaussures. Le Pen, il a un œil sur l'autre. Ça peut pas être plus rapproché. Eh bien, en tout cas, vous partez à l'hôtel Beau Rivage. On vous embrasse. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Quelle est votre voiture idéale ? Pour moi, ce serait une voiture avec une caméra de recul, ou plutôt deux, c'est plus sûr. Trois ? Ça c'est trop, trois. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris Dynamic suréquipé est à partir de 139€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris Dynamic 5 portes 69 VVT en location longue durée 37 mois 45 000 km, premier loyer 1750€, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là ? Rien non plus. Et si vous passez la main là ? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors, c'est super simple. Tu vas sur Internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Agnès ? Oui ? Chez Gélimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. Le lot de deux armoires de garage Space Winner est à 59,95€. Pas Space Winner, Bernard. Space Winner, avec l'accent ? Oui, bah avec ou sans accent, ça reste des armoires, non ? Yes, you're right, Bernard. Oh, Gélimat, matériaux et bricolage. Les grosses têtes de Laurent Ruquier accompagnent votre après-midi sur RTL et vous êtes avec Christophe Willem, Philippe Geluck, Karine Lemarchand, Bernard Mabille, Pierre Bénichoux et Ariel Pombal. Une question pour Monsieur Frédéric Kowalski qui habite Anzin, c'est dans le Nord. Et la question évidemment concerne le tennis puisque vous semblez si bien connaître le tennis masculin, Monsieur Bénichoux. Ça concerne justement Djokovic, le Serbe, qui a gagné contre Murray ce week-end. D'ailleurs, sale temps pour les Écossais ce week-end parce que je vous rappelle qu'on a gagné aussi en football contre les Écossais. Quand même. Grande équipe. Non, ça on peut pas dire. Ah bon, on peut pas dire. Moi quand même. On peut pas dire que les Écossais étaient très très forts, mais quand même, c'est bon pour le moral, pour, pour le match de vendredi prochain. Ça plus la visite de Hollande, ils doivent être montés, les mecs. Hein. Ah oui. Alors, restons sur le tennis, si vous le voulez bien, puisqu'on nous rappelle, évidemment, que là, Djokovic, en gagnant à Roland-Garros, est devenu le 8e joueur de l'histoire à s'être imposé dans chaque tournoi du Grand Chelem. Alors, chaque tournoi du Grand Chelem, je vous explique, Ariel, ça veut dire, évidemment, Flushing Meadows, c'est-à-dire c'est à New York, ça veut dire le tournoi d'Australie, ça veut dire Wimbledon et Roland-Garros. Voilà les quatre... Et attendez, d'où vient le mot « Chelem » ? C'est l'expression de Brigitte. Voilà. L'expression de Brigitte. Merci Pierre. Le chelem, on fait petit chelem ou grand chelem. À la belote, on dit celui qui est battu par un grand chelem, à la belote, il est capot. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque vous connaissez. Parfaitement. Vous devez connaître, oui. Dites vous oui, devez connaître la belote, étant donné vos origines modestes, n'est-ce pas? Alors évidemment, il est le 8e joueur de l'histoire. Quels sont les 7 autres joueurs? Non, je ne vais pas être aussi compliqué que ça. Je vais vous dire, depuis l'ère Open, hein, ce qu'on appelle l'ère Open, c'est le 5e joueur mondial à avoir gagné chaque tournoi du Grand Chelem. Avant lui, il y a eu un Australien, qui, alors, je ne vais pas vous demander son nom parce que lui, c'est un peu compliqué, il s'appelait Rod Laver. Je sais pas Rod Laver, c'était le meilleur joueur du monde. Il avait les yeux très écartés. Et ce qui lui permettait de voir les deux joueurs en même temps. Et Ariel, elle a connu son cousin Unilever. Alors, Rod Laver, Roger Federer, Raphaël Nadal, et puis il y a un joueur, évidemment, qui a gagné lui aussi les 4 tournois. Pete Sampras. Non. McEnroe. McEnroe, non. C'est Agassi. Ça. Et c'est André Agassi. C'est un grand sportif qui répond. Bernard Mabille, bravo. Vous jouez au tennis. Faut que tu dises. C'est André Agassi. Vous avez joué au tennis, vous ? Bien sûr, contre Michel Jazzy. Vous vous souvenez de Michel Jazzy ? Ah oui, bien sûr, mais enfin, il jouait pas au tennis, c'était un athlète. Ah non, mais il joue au tennis de temps en temps quand même. Je jouais contre lui. Bernard, tu as été juge de ligne, mais tu n'as jamais surveillé la tienne. Oh, bravo, Philippe, bravo. C'est alors là, Dieu sait que j'aime pas le bonhomme. Mais vraiment, celui-là est terrible. Ça, c'est Toto arrivé à la maturité. Eh ben oui, va te moquer des Belges, laisse-nous tranquilles. Pas vrai, Darling? Merci, Pierre. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez vu que la princesse belge a été victime d'un vol à la portière chez nous. Vous avez vu ça dans la presse, vous monsieur. Vous dites la princesse, comme si on en avait qu'une. Non, mais en Belgique, ils ont volé la portière. Ils ont laissé le sac. Ah non, mais ça s'est pas passé en Belgique, ça s'est passé chez nous, là, en Seine-Saint-Denis. Oh, bah, qu'est-ce qu'il y a foutu là-bas? Je vais vous dire, je vais vous dire laquelle c'est, monsieur Gueluc, la princesse Astrid. La sœur du roi Philippe, avec son mari, l'archiduc Lorenz. Ils étaient dans leur Mercedes, là. En Seine-Saint-Denis. Ils étaient à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Mais il y a quand même Saint-Denis où sont enterrés tous les rois de France. Non, mais là, c'est Aubervilliers. Donc, une princesse pouvait se retrouver à Saint-Denis. Elle avait donné rancard à la reine d'Angleterre au café des sports. Heureusement qu'on leur a pas volé les quatre roues, ils auraient pas pu rentrer. Alors c'est à la sortie de l'autoroute, alors que les voitures étaient en file, la Mercedes princière immatriculée en Belgique, où se trouvait la princesse Astrid, la sœur du roi Philippe et son mari, l'archiduc Lorenz et leur fille, a été prise pour cible. La vitre a volé en éclats et on a volé le sac à main qui se trouvait sur le siège passager à l'avant, près de la princesse Astrid. Avec les bijoux de la couronne peut-être. Il faut jamais faire ça, laisser le sac... Moi, je préfère crever que de laisser mon sac. Parce que, comme il est en crocodile, tout le monde en a envie. Alors après ça, quand je rentre à la maison, mon mari me dit, et ton sac? Alors moi, je dis, bah... Mais ça veut dire qu'il y avait un chauffeur. Ça veut dire que c'était pas eux qui conduisaient. Ah bah non, bien sûr, il y avait un chauffeur. Ils ont piqué le sac. Il n'y a pas de sécurité avec eux. Ah bah non, pas de sécurité. 2000 euros en liquide. Plus 5 kilos de frites. Et 2000 euros, c'est les seuls Belges qui viennent planquer leur argent en France. Et des pièces d'identité. Alors ça, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir en faire en Seine-Saint-Denis, parce que une carte d'identité marquée dessus, princesse Astrid, ça doit pas. Hein. Et on sait qui étaient les voleurs. L'enquête a été confiée à la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis. On espère que nos amis belges vont retrouver leurs effets et leur argent liquide. Ouais, oui, l'argent liquide, on retrouve toujours. Enfin, c'est déclaratif, 2000 euros, c'était du cash. Si ça se trouve, c'était moins. Ah oui, vous pensez? Bah, ils étaient peut-être arnaqués. Comme quand on dévalise la banque. À la banque. Ben oui. Dans ton coffre, t'as quoi? Une photo de ta mère? un petit collier que tu mets pas parce que un collier en pâte, tu sais que les enfants offrent. Une photo de toi à poil. Ouais. Pour se souvenir comme la vie était belle. Et qu'est-ce que tu déclares? 22 millions en liquide. 17 parures. Une de chez Cartier, une de chez Van Cleef. Moi, je vous raconte la vie quotidienne de nos amis belges quand ils viennent chez nous en France. C'est pas, vous auriez dû être au courant, monsieur Gueluc, être informé. J'aurais dû, mais j'étais en chemin vers ici. C'est bon pour le tourisme, hein, tout ça. Ah, vous c'est vrai. Pensez oui. La grève, la crue. Ouais, la grève, la crue. Et le vol à l'arraché, c'est vrai. Ou enfin, elle avait qu'à pas laisser passer son sac à main aussi. Elle le laissait pas passer. Elle avait pas la fenêtre ouverte. Si. Moi, j'ai assisté à ça devant moi, rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est mais les quartiers difficiles. Non, mais attends. Ils ont fait, non, mais sur un scooter, le mec, avec un coup de poing américain, descend. Ils font 10 bagnoles en 2 minutes et demie. Hein. Oui, t'es bloqué dans les embouteillages. Ça va très, très vite. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. 10 bagnoles en 2 minutes et demie. Ah oui, ça va très, très vite. Coup de poing américain, coup dans la glace, ils piquent les trucs et sur le scooter. C'est pour ça que moi, je roule toujours les fenêtres ouvertes. Comme ça, au moins, ils pètent pas la vitre. mais ça se fait beaucoup sous le pont de la plaine Saint-Denis. Quand on part à Roissy et qu'on est dans des embouteillages, arrive un scooter, on est bloqué puisqu'on est dans l'embouteillage. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il tape, je l'ai vu faire qu'est-ce aussi. Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est ça, Ariel, vous venez de réexpliquer ce que Bernard nous avait raconté. Tellement plus élégamment. Elle vient de dire le pont de la plaine Saint-Denis. Tellement plus élégamment, non, mais attends. Bah oui, bref. Vous, c'était un scooter. Mais attendez-vous, passons avec votre hélicoptère sous le pont de la... Pour aller rejoindre le jet privé à Bourget, vous passez... Voilà, c'est ça que je fais. Ou alors j'y vais. C'est une des rares personnes ici qui peut dire qu'elle a travaillé sous le pont, n'est-ce pas? C'était dur à l'époque, hein. C'était dur. Ah bah le client. J'avais ma petite. Non. J'avais. La gonzesse quand vous êtes trois dans l'après-midi, c'était la championne du monde. Voilà. J'avais ma petite estafette. Avec le petit parapluie à la fenêtre, je suis prise. Bon, enfin, Ariel, ne vous laissez pas attaquer comme ça, ne laissez pas dire des trucs pareils. Enfin... Oh, mais je crois que personne ne le croit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL.

Bonjour Monsieur Rondineau. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Laurent. 1200 paires de Charentaises ont quitté la France pour le Québec. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire les Québécois de nos Charentaises? Exactement. Écoutez, on essaye d'équiper nos Québécois, nos amis Québécois avec nos produits préférés en Charente. Vous n'auriez pas pu leur envoyer Ségolène Royal, c'était pas mal ça. Mais pourquoi au mois de juin? C'est pas là où il fait le plus froid quand même? Mais non, mais parce que là on les envoie en bateau en fait. On a un produit, on fabrique des Charentaises et c'est un produit qui est éco-responsable. Parce qu'il est fait avec un fil de chanvre, cousu avec un fil de chanvre et une semelle de feutre, un dessus en laine. Ah, et l'idée, c'était de l'emmener en bateau jusque là-bas en voilier. Que ce soit écologique. Éviter, voilà, très écologique. C'est joli en donc... voilier, donc les Charentaises traversent comme ça lentement. Voilà. Exactement. Moi, j'aurais même mis, franchement, ça aurait été encore plus sympathique. Et je suis sûr que Philippe Gueluc a déjà imaginé ça. Plutôt que de les mettre sur un bateau, chaque paire de Charentaises reliées, les deux chaussures, avec une petite voile sur chaque Charentaise. Et on les aurait vus partir comme ça. En tout cas, Monsieur Rondineau, bravo. Vous n'avez pas vendu votre affaire aux Chinois. Non, pas du tout. On l'a gardé. Et on se bat. Elle a raison. Elle a raison parce que la Charentaise chinoise, tu vas beaucoup moins vite, elle est bridée. Moi j'aimerais bien savoir ce que met Ariel le soir à la maison. Parce qu'elle ne peut pas mettre de Charentaise, élégante comme elle est. Et non, je ne mets pas des Charentaises. J'imagine qu'elle a des pantoufles avec la même. Avec des petites. Avec la même petite boule pompon qu'elle a dans les cheveux aujourd'hui. Mais vous avez deviné. Non. Les chaussons chaussettes. Peut-être même c'est la même bouille qui sert pour tout. Voilà, elle est amovible. Moi je cherche, je n'ai toujours pas trouvé ce qu'il fallait mettre le soir pour être à la fois sexy. Bon, pieds nus, c'est toujours joli. Pieds nus, c'est bien. Moi je dis à poil, c'est bien. Un petit string. Ça se fâche au sol, pieds nus, c'est mais vous avez raison que c'est pas sexy. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais j'ose pas raconter ça. Si je raconte un peu de ma vie, alors. Moi j'ai des chaussons aussi à la maison, j'avoue, je mets des chaussons. Bon, alors voilà, parce qu'on est confortable dans des chaussons. Et quand je me fais commander à manger, eh ben, ça sonne à la porte. C'est vrai que je les enlève, je les laisse dans la salle à manger. J'ose pas aller ouvrir la porte avec mes chaussons. Ben oui, parce que. L'odeur. Mais non, mais les garçons qui m'apportent à manger, là, qui livrent, bah, ils me reconnaissent évidemment à chaque fois. Alors, s'ils voient mes chaussons, ça fait. Laurent, vous devriez. C'est pas mieux maintenant, tout le monde le sait. C'est pire. Vous devriez faire équiper votre porte comme dans les prisons, d'un petit guichet qui s'ouvre. Comme chez les bonnes sœurs. Mais oui. Je suis sûr que vous faites ça aussi, Bernard. Vous n'osez pas vous montrer en chaussons. Si. Mais j'ai pas de Charentaise. J'ai pas de chaussons. Donc je suis nu-pied. J'espère, monsieur Mabi, que vous n'êtes pas avec des mini chaussettes un peu cradingues. Ah, j'ai des trucs cradingues, mais ce sont pas mes chaussettes. Non, écoutez, je vous propose, monsieur Rondineau, d'envoyer une jolie paire de Charentaises à Pierre Bénichoux qui n'en perd pas une. Avec plaisir. Venez voir les poitures et je vous envoie des Charentaises avec votre poiture. Tu veux ma poiture, puis tu veux la chaîne et la montre, là, ou quoi? Vous pouvez bien donner votre poiture, monsieur. Non, il a qu'à se renseigner, ça veut dire ça. Ah, quand même, tout le monde connaît ma poiture. Ah oui? 39,45. Je dirais 14-18. Bon, non, mais enfin, monsieur Pierre, si vous voulez que monsieur vous envoie des Charentaises. Non, parce que je ne sais jamais si c'est 43 ou 44. Du 44 fillettes. 44 fillettes. Ben, on vous remercie, monsieur Rondineau, et bonne chance aux Charentaises au Québec. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miam à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edward aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edward? Sir Edward, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mes plaquettes de frein sont usées et j'avais pas vraiment prévu ça. Avec Oscaro.com, achetez vos plaquettes de frein sur Internet. Vous avez accès à plus de 500 000 pièces automobiles neuves, identiques constructeurs, jusqu'à deux fois moins cher. Et ce sont des pièces d'origine. Oscaro.com commercialise exclusivement des pièces d'origine neuves en provenance des plus grands équipementiers. Ah, je me lance. Et actuellement, en commandant sur Oscaro, vous bénéficiez de 10 euros de remise sur showroomprivé.com. Une offre 100% gagnante. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes. Du 9 au 13 juin, la French Touch Renault présente ses plus grands hits comme Twingo, Clio, Capture dans une compilation d'offres exceptionnelle. Et la French Touch vous sort le grand jeu, à gagner une nouvelle Renault Mégane GT. Vous avez bien entendu, une nouvelle Mégane GT. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, la touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture sur l'autorisation, voir Renault.fr. La zone anti-vichère est chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, vous les jouez en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et jusqu'à 50% en avantage carte. 50%, ça c'est sport. Intermarché, tous unis contre la vichère. Règlement du jeu, modalité et magasins participants sur intermarché.com du 7 au 12 juin. Eh bien voilà une belle valise, une valise qui n'a pas encore trouvé son propriétaire. Alors n'hésitez pas, faites comme des milliers d'auditeurs de RTL, inscrivez-vous pour avoir la chance d'être appelé par Laurent Ruquier et ses grosses têtes et leur énumérer tout le contenu de la valise. Ça se passe d'abord sur RTL.fr ou encore en envoyant le mot valise par SMS au 74 900 et ensuite sur RTL. RTL. C'est l'heure de la valise. 1063 euros dans la valise RTL. Écoutez bien Christophe Willem, car je crois que vous revenez demain. Oui. Et demain, je vous confierai la valise RTL. Ah. Donc faites bien attention à comment Ariel Dombal va la faire, cette valise. Mmh. Karine, hein, vous m'accorderez que les occasions de rire sont trop rares. Oui. Donc... Donc on va confier à Ariel, parce qu'elle sait très très bien faire la valise. Ah. Faut elle, le dire. Elle sait bien tout faire, je pense. Ça, elle sait bien tout faire. Bon. Alors, 1063 euros, le tout nouveau Whistiki, c'est un moyen connecté de ne pas perdre ses clés, un ensemble de valises David, trois valises dans la valise, et puis le CD Beach Party volume 2 de George Lang. Voilà le contenu de Laurent, notre... Laurent, vous avez voulu dire, je crois, Beach Party. Oui, non, j'ai dit quoi? Vous avez dit Beach Party. Beach. Ça veut dire la salope. C'est ça. En anglais. C'est une soirée de salope ou bien... Une question d'accent. Ou bien une soirée sur la plage, ça dépend. Beach, B-E-A-C-H, c'est la plage. Beach. Et Beach, B-I-C-T-C-H, c'est une salope. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit... Beach. Vous avez des beach parties. Le CD Beach Party. Voilà, c'est voilà. Mieux. Voilà. Écoutez, peu importe de toute façon. Mais je dis ça pour les salopes qui nous écoutent. Les salopes ont le droit d'aller à la plage. Évidemment. De toute façon, ce sera à l'auditeur ou à l'auditrice de dire exactement ce qu'il y a dans la valise RTL et de bien prononcer, Ariel, un numéro entre 1 et 20. Alors, alors nous allons prendre le 9. Le 9. Alors, vous retenez bien le nom du 9. Il s'agit de Mustapha Zanoun. Mustapha Zanoun, vous notez le prénom, c'est Mustapha, le nom de famille, c'est Zanoun. Et il habite, alors ça c'est drôle parce que je connais très bien cet endroit, j'ai de la famille là-bas. Il habite Pavie, en Seine-Maritime. C'est drôle parce que moi j'ai de la famille. J'ai les Zanounes, mais... Pavie, c'est pas très loin de Rouen, de Barentin, Pavie. J'ai beaucoup de famille là-bas. Mais pas monsieur Mustapha Zanoun que je ne connais pas. Allô? Allô? Monsieur Mustapha Zanoun? Oui, bonjour. C'est vous-même? Oui, c'est moi-même. Eh bien, vous allez être très surpris et très heureux. RTL, les grosses têtes. Oui, oui. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais, ça va, c'est... comment dirais-je Avec sa voix. Ariel Dombal. Ariel Dombal, voilà. Voilà, voix, cher Mustapha. Voilà, du Moyen-Âge. Non. Non, Je plaisante. C'est vrai que ça fait moyen âge. Oui. Ça me plaît beaucoup. Elle a une voix... Non, elle a une voix très douce, très... Non, c'est très sympa. Très médiévale, vous voulez dire. Très médiévale, voilà, je cherchais le mot, merci, monsieur Ruquier. Voilà, je vous en prie, Moustapha, je suis... Monsieur Ruquier du Havre, ça va bien. Mais je connais bien Pavie, c'est ce que j'étais en train de dire, parce que j'ai passé une partie de mon enfance à Pavie. J'ai une bonne partie de ma famille là-bas, à Pavie. Ah bon, ils avaient un pavillon? Non. Et encore aujourd'hui, j'ai de la famille à Pavie. Non, j'y vais assez souvent, une ou deux fois par an à Pavie, franchement. Wow. C'est pas tout ça, mais maintenant il faut nous donner le contenu de la valise RTL. Ariel est impatiente. Oui, monsieur Moustapha, juste quel est votre métier? Conducteur routier. Conducteur routier. Ah bon, et vous êtes sur la route? Vous n'êtes pas sur la route là, rassurez-moi, aujourd'hui. Oui, je suis sur la route, oui. Bah, je me suis arrêté, hein, évidemment. Ça c'est bien. Alors, le contenu de la valise RTL maintenant. Bah, je... Et vous êtes mort de rire en plus. Bah, je veux pas pleurer. Non, je sais pas. Ah bah alors zut alors. Oh, bah, franchement, il y avait pas 1003 euros. Ah, c'est presque ça. 1063 euros. C'est à 60 près. Et puis de toute façon, il fallait aussi me dire le tout nouveau Whistiki, l'ensemble de valises David, c'est le CD Beach Party volume 2 de Georges Lang. Désolé, j'ai pas noté. Aïe. Mais enfin, Moustapha, alors. Bon, on va vous envoyer. Tiens, on pourrait peut-être offrir le dernier album de Christophe Willem. Ça sert à rien. Non, attends, le pauvre. Mais pourquoi? Très bien, votre album. C'est bien dans le camion. Vous aimez bien Christophe Willem? Oui, j'aime toutes sortes de musique, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, Christophe, si je vous donne 1062 euros, vous me donnez un album. Je vais vous offrir aussi le cahier de vacances des grosses têtes, puisqu'il vient de sortir en librairie. Ça vous permettra de jouer pendant l'été, sur les aires d'autoroute quand vous faites votre repos de camionneur. Et puis quand même une montre RTL. Vous n'avez pas encore de montre RTL? Non, j'ai pas de montre, c'est très gentil. Je vais vous envoyer une montre RTL, Moustapha, et vous allez recevoir tout ça très très vite. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Depuis à peu près 2 ans. Ouais, c'est bien. J'étais sur une autre radio. Que nous ne nommerons pas. Oh non, mais ça, voilà, écoutez. Que nous ne nommerons pas. RTL que je trouve très très bien. Ouais. Depuis l'arrivée de Laurent, écoutez tout le temps. N'en rajoutez pas, Ariel. On regarde beaucoup aussi. On n'est pas couché. Très bien. La totale, comme on dit, Moustapha. Et vous êtes avec qui, là, comme grosse tête? Alors, j'ai Monsieur Benichou, que vous avez entendu, déjà. D'accord. Forcément, ouais, bonjour. Il est très content, Monsieur Benichou. Bonjour, monsieur. Ariel Dombal, qui avait composé votre numéro. La médiévale. De ses... elle l'a pas digéré. Non, mais ça me plaît. Ça me fait plaisir, une sorte de fémélusie. Vous vous rappellerez de moi, voilà. Voilà, exactement. Philippe Geluck, vous connaissez Philippe Geluck? Oui, le chat, oui. Et voilà. Bonjour Moustapha. Bonjour Philippe. Karine Le Marchand, que vous connaissez aussi. Bonjour. Bonjour, ouais, très sympa en plus. Ah ouais, puis jolie, hein, en plus. Préfère les femmes, hein. Ouais, jolie, ouais, ça va, ouais. Ah ouais, ouais, ça va. Ouais, ça va. Mais quel âge vous avez, Moustapha? Avec les belles femmes, il ne faut jamais leur dire qu'elles sont belles, elles le savent. Si on ne leur dit pas, elles ne sauront pas. Hein. Qu'elles veulent, c'est écoutez, entendre autre chose. Là, vous allez trop fort, parce qu'il y en a à qui ça fait quand même plaisir. Il faut nous dire quoi alors? Il faut un peu les maltraiter. D'autres choses. Non, pas les maltraiter, mais. Il faut leur dire espèce de médiéval, par exemple. Réussis, espèce de bitch. Non, pas du tout. Christophe Willem complète les grosses têtes aujourd'hui. C'est sa première aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Et puis Bernard Mabie, c'est sa dernière aujourd'hui. Bonjour Moustapha. Bonjour Bernard, très sympa, je trouve très sympa avec ses blagues, ses jeux de mots. Ouais. C'est bien lui. Écoutez, on vous embrasse, on vous envoie tout ça, dans une valise, mais dans une belle enveloppe, la montre RTL, le cahier de vacances, l'album de Christophe Willem quand même. Très gentil, je vous remercie. Ouais, c'est Et puis, Ariel Dombal n'a rien à offrir à Moustapha. Il est si beau, il est si belle, quoique chevalier ni tout seul. Voilà, c'est médiéval. Tenez, en parlant de valises, ce soir sur RTL à 21h20, retrouvez Sidonie Bonnac et Thomas Hugues dans leur émission « La curiosité est un vilain défaut » pour un sujet consacré à la valise, les valises nucléaires et à ce qu'elle contient. sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleur de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chantier neuf ou réno, pour les pros. C'est signé, Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé, Signat. Des cloisons conformes aux normes acoustiques des écoles ou des hôpitaux. C'est signé, Signat. Cloisons, plafonds, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là ? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme ? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%. Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence ? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant ? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Nous savons que les cambrioleurs font du repérage avant d'agir et qu'ils savent où chercher vos biens les plus chers. Nous savons qu'après un cambriolage, on ne se sent plus en sécurité dans sa propre maison. Mais chez Vérissure, votre sécurité est notre métier. Nos milliers d'agents veillent jour et nuit et savent réagir en quelques secondes pour protéger votre maison et ceux que vous aimez. Protégez ce qui compte pour vous avec une alarme télésurveillée Vérissure par Securitas Direct. Appelez vite le 3112 ou rendez-vous sur verissure.fr. RTL. Toujours avec vous. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui. Plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Bon après-midi avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Il est 17h. Et voici les infos de Marie Guéry. Une jeune femme a passé 3 nuits seule dans la montagne, la jambe cassée au bord d'un torrent à la suite d'un accident de canyoning. L'homme qui l'accompagnait a disparu, emporté par les eaux des cascades du Bâton à Almont, en Isère. Les secours ont retrouvé la jeune femme de 29 ans hier après-midi après qu'un promeneur l'a entendu crier. Son compagnon, en revanche, reste introuvable. Des perturbations de circulation cet après-midi à Paris à cause d'un incendie près du Louvre. Sur la chaussée, dans une zone de chantier, on ne peut plus longer le musée. Le quai François Mitterrand est fermé. La préfecture de police conseille de largement contourner cette zone, d'autant que les voies sur berge, elles, restent fermées à la circulation dans Paris à cause des inondations. Météo France a ramené à 7 le nombre de départements placés en vigilance orange pour les crues. Le Loir-et-Cher, le Cher, l'Indre et l'Indre-et-Loire, ainsi que l'Essonne, la Seine-Maritime et l'Eure. La circulation autour d'Orléans est toujours impossible à l'heure qu'il est, notamment sur l'autoroute A10. Le gouvernement débloque un fonds d'extrême urgence de plusieurs millions d'euros pour aider les sinistrés des inondations qui sont sans ressources. Les assureurs, eux, s'engagent à mettre en place des procédures allégées sans exiger de facture ou de passage d'experts. La région Île-de-France va aider les agriculteurs dont les exploitations sont touchées par les inondations, aide financière mais aussi aide au transport de fourrage pour nourrir les animaux. Après ces inondations catastrophiques, le parti Les Républicains demande la suspension immédiate des grèves qu'il juge irresponsables dans le contexte actuel. Le taux de grévistes à la SNCF a atteint aujourd'hui 8,5% contre 10,5% vendredi, selon la direction. La direction de la SNCF et les syndicats de cheminots sont réunis depuis 9h30 ce matin pour une ultime séance de négociation. Le dépôt pétrolier de Donges, en Loire-Atlantique, a été bloqué quelques heures aujourd'hui et puis les forces de l'ordre sont intervenues pour libérer les lieux. La raffinerie totale à la proximité est, elle, toujours bloquée. La grève est levée à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne, mais elle est reconduite dans les terminaux pétroliers du Havre. Des opposants à la loi travail ont bousculé, injurié et lancé des œufs sur le ministre de l'économie Emmanuel Macron en visite ce matin à Montreuil, près de Paris. Dans l'actualité du jour, il y a aussi un Français de 25 ans arrêté en Ukraine avec dans son véhicule un stock d'armes et 125 kilos d'explosifs. Les services secrets ukrainiens affirment que le suspect préparait des attentats contre une mosquée, une synagogue et des centres d'impôts en France avant et pendant l'Euro de foot. Un t-shirt siglé d'un groupe d'extrême droite a été saisi par la police française lors d'une perquisition au domicile du jeune homme dans la Meuse. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marie. Vous reviendrez sur ce suspect dans RTL Soir. Absolument. Et puis sur la sécurité de l'euro en général. Absolument, et la menace terroriste, donc il en sera question dans le journal de 18h. Nous vous dirons ce que l'on sait précisément de ce Français, donc arrêté en Ukraine, vous venez d'en parler. Marie, à 18h20, un juge antiterroriste, David Benichou, qui travaille donc toute la journée sur ces menaces, a accepté notre invitation. Il nous dira s'il est inquiet à 4 jours de l'euro, dans quel état d'esprit donc il est avec ses collègues donc du pôle antiterrorisme, à 4 jours du début de la compétition. Donc. À tout à l'heure Marc-Olivier. Le foot côté terrain, les équipes européennes commencent à s'installer en France. La ville de Chantilly a accueilli aujourd'hui les joueurs anglais. Dans l'actu foot, il y a aussi le rachat de l'Inter Milan par le géant chinois Suning qui possède désormais 70% des parts du club italien. Il est 17h03, vous êtes sur RTL, c'est tout de suite les grosses têtes bien sûr avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Karine Lemarchand, Pierre Bénichoux, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Bernard Mabir et Christophe Willem pour la première fois aux grosses têtes. Et normalement, vous avez vos chances, Christophe, avec la prochaine question. Ah. Question qui vaudra, qui sait tout de même, 300 euros à Gaëtan Minot si vous ne répondez pas. Vous avez la pression, c'est ça, d'un coup? Non, t'inquiète. Il habite Marny, monsieur Minot. Et évidemment, la question concerne donc un avion qui s'est écrasé le 3 février 1959 à 0h50, précisément aux États-Unis. Mais qui était dans cet avion? Quelle année? 1959. En 1959. Donc, un chanteur. Comment vous dites? Mike Todd, le mari d'Elizabeth Taylor. Pas du tout. Buddy Holly. Ah. Buddy Holly. Bonne réponse de Bernard Mabir. Buddy Holly. Buddy Holly, quand il était au lit, on lui disait il en écrase. Le chanteur Buddy Holly. Vous connaissiez Bernard Mabille? Vous connaissez pas, vous, Christophe? Du tout. Vous connaissez pas Buddy Holly? On a Buddy Holly. C'est la partie de la culture musicale. Écoutez Buddy Holly. Je suis un culte. Il est mort à 22 ans, Buddy Holly. Écoutez. Je connaissais. Oui, je connais Buddy Holly. Si. Pas personnellement. Tu as connu Buddy Holly? Écoutez comme c'est joli, n'empêche. Non, c'est joli. Et Buddy Holly est mort à 22 ans d'un accident d'avion et il y a une compilation de ses chansons qui sort aujourd'hui. Pourquoi... De l'avion. Non, pas de l'avion. Pourquoi on en reparle? Parce que Françoise Hardy fait son retour à la chanson, justement, avec sa version. Elle reprend une chanson de Buddy Holly. On l'a en magasin, d'ailleurs. Just you know why. Ça, c'est Françoise. Why you and I. Connaît à peine la voix de Françoise Hardy et pourtant elle l'a enregistrée l'année dernière cette version. C'est hyper beau, je trouve. C'est beau, hein, c'est joli. Ouais, elle n'ose plus prendre l'avion depuis. Oh, ben, elle peut prendre n'importe quoi parce que de toute façon c'est une survivante. Ouais. Françoise Hardy, je vais vous dire, on nous annonce sa mort tous les ans, elle est toujours là et elle est la première à en rigoler. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview aujourd'hui, mais alors elle est morte de rire en disant voyez, je suis toujours là. Ah mais non, mais vraiment. Peut-être que le terme est mal choisi, elle est morte de rire. Non, ben, elle dit j'ai mal partout, mais comme me disait Jean-Marie Perrier, il y a déjà 20 ans, si on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Voilà. Et je vais plutôt bien. J'ai repris 17 kilos, dit-elle. Ah. Je fais 56 kilos. Je suis une grosse dondon. Elle faisait 39. Ah ben, on l'a appelée l'asperge pendant des années. C'est Philippe Bouvard, d'ailleurs, qui l'avait surnommée l'asperge. Elle est grande. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas Buddy Holly, Christophe Willem, quand même. Non, mais je ne connais pas cette culture-là. La musique américaine, ce n'est pas votre truc, alors. Bah, de cette génération, non. Ah oui, oui. C'est laquelle, alors, la vôtre? Bah, je sais pas, récent, non, moi 70. C'était plus non, mais Sinatra, toute cette époque, à partir de cette époque-là, mais avant, je non. Ils sont à peu près de la même époque, hein, ouais. Sauf que Sinatra est pas mort dans un accident d'avion. Bah c'est ça, il est pas mort, donc si tu veux forcément. Ah, Sinatra, ça, attention, parce que si vous partez sur le terrain de Pierre Bénichoux, non mais sérieusement, sérieusement mon petit gars là, le petit matelot. Là. Putain, je vais en chier. Dis-moi, Sinatra, il est mort à 22 ans. Non, justement. Ça, il a fait une belle carrière posthume, je dis. Si on chantait du Sinatra. Ah voilà, ça c'est une bonne idée. Non. On a un tri trio, là, écoutez. Voilà. Pierre Bénichou, Ariel Dombal et Christophe Willem. Oui. Laquelle on prend de Strangers in the Night. Strangers in the Night. Alors, c'est vous qui commencez, d'accord, Ariel. Okay. Ensuite, c'est Christophe et Pierre termine. Bon. Allons-y. Mais on ne connaît pas les paroles. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, which were the chances we'd be falling out before the night was through. Da da da da day, da da da da day, da da da da day, da da da da day, da da da da day, da da da da da day. Super. À vous Pierre, à vous Pierre. Non non, moi j'ai des fans et je veux pas qu'on me confonde avec ça. Les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 juin, la nouvelle Opel Karl, désignée citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la Bibox Miam, oui, à 14,99€ par mois. 14,99€? Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la Bibox Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Petit message Peugeot en forme d'urgence. Alors, qu'avons-nous là? L'opération immanquable Peugeot. Avec la garantie étendue à 5 ans offerte sur toute la gamme? Oui, elle l'a. L'offre de crédit à taux 0%? Oui, elle l'a. Eh bien alors, c'est quoi l'urgence? Les portes ouvertes, les 11 et 12 juin. Et vous me dites ça maintenant? En ce moment, profitez d'offres immanquables sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Electro Dépôt. Se faire plaisir avec un barbecue de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez Electro Dépôt, le barbecue électrique Aïwan garantie 2 ans, échange à neuf, est à 15,98€. Oui, 15,98€. Electro Dépôt, habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 16 centimes. Electro Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Il est 17h10, Bernard Glace, bonjour, vous êtes à Auteuil pour l'arrivée des courses. Tout à fait, bonjour Virginie, bonjour à tous pour l'arrivée du Quintet. D'abord que je vous rappelle la bonne combinaison, le 4, le 6, le 12, le 16 et le 14. Et le numéro plus 664, c'est le favori Valtor qui a remporté cette épreuve. La sixième épreuve, le 4 était non partant, victoire de l'As Saint-Goustan Blue, 1,80 et 1,30, devant le 3 Capivari, 2 displacés, troisième le 2, 6 Blue. Et puis la septième vient d'avoir lieu, là c'est le 3 qui s'impose. Cougère de Sivola, 8 contre 1 devant le 2 Carminor, 3 contre 1 et le 8 Lunaya, 3 contre 1 également. Quatrième place pour le 4, 3, 2, 8, 4, la 7e. Les résultats complets, les pronostics pour demain. Le répondeur 3210 et le site refaitlescourses.fr. Merci Bernard. Dans le grand studio de RTL, on rejoint les grosses têtes et Laurent Ruquier. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Maxime Le Rebourg est au téléphone. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent. Vous bonjour habitez... tout le monde. Bonjour. Bonjour le chroniqueur. Bonjour le public. Eh bien, le public aussi vous salue. Maxime. Oui. Vous habitez Herblay, dans le Val d'Oise. Oh là là. Ah, c'est bien. Exactement. C'est tout près d'Amiens, Herblay. Pourquoi c'est bien, Herblay? Je suis du Val d'Oise aussi, donc c'est bien. Ah, ben vous connaissez Christophe Willem, vous le croisez peut-être dans le Val d'Oise alors. Ah, on ne s'est pas encore croisé donc. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à 35 ans, Maxime? Je travaille dans la sécurité incendie. La sécurité incendie, ça peut toujours servir, ça. Pas en ce moment. Comment ça, pas en ce moment? Les inondations. Ah oui, c'est vrai. Enfin, il peut arriver encore qu'il y ait des incendies, vous voyez. Il faut rejouer, Maxime, hein, parce qu'il y a quand même en jeu un séjour de 3 jours, 3 nuits, c'est pas mal, à l'hôtel Riva Bella Tal Azur de Ouistreham. C'est en Normandie, à 2 heures de Paris. C'est pas mal pour vous, hein, à partir du Val d'Oise. Vous allez passer un joli week-end, prendre l'air là-bas dans ce bel hôtel 4 étoiles. Vous aurez le droit aux soins d'hydrothérapie, soins de détente, modelage à 2 ou quatre mains. Quatre mains, quatre mains. J'arrive. Quatre mains. Accès au parcours marin, sauna, hammam. Allez voir sur talazur.fr. Maxime, oui. La question va être assez facile. Vendredi matin, les médias japonais ont interrompu leur programme pour annoncer la bonne nouvelle. Eh oui. Quelle bonne nouvelle? Tous les Japonais étaient heureux de cette bonne nouvelle. Est-ce que je peux le dire en chanson? Ils ont retrouvé un enfant? Oui, alors le... Abandonné? Voilà, ils l'avaient abandonné où ça? En Asie. ça vous rappelle pas le conte? Un conte célèbre? Un conte de Perrault? Un conte de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un type qui était pas grand. Le petit poussé. Ah, le petit poussé, ça y est. Pardon. Et oui, le petit poussé, parce que ses parents l'ont abandonné en... En forêt? En forêt, voilà, il y arrive, Maxime. Je vous l'ai dit depuis le début, ça. Je vous l'ai dit depuis le début. Non, la forêt, vous n'avez pas dit la forêt. Genre, vous êtes très sympathique, mais vous êtes un menteur. J'étais à bonne école, monsieur Benichou. Je vous écoute depuis tellement longtemps. Le petit poussé. Le petit poussé, parce qu'il était constipé non. Et à la toilette. Le petit poussé. C'était sa punition, c'est pas ça l'histoire. Oui, c'était sa punition parce qu'il balançait des cailloux sur les voitures, le petit poussé. Ah, mais il y avait une histoire de cailloux dans le petit poussé. Quand même, et oui. Et oui, parce qu'il avait. Je ne me lasse pas de le dire, mais l'ignominie de tous ces contes pour enfants, on leur apprend quoi? Même quand tu vas te promener avec ton père, il veut peut-être te larguer. Prends des cailloux dans ta poche, comme ça tu retrouveras le chemin de la maison. Mais c'est horrible de dire ça à des enfants. Mais là, sauf qu'en qui il peut avoir confiance. Et le chaperon rouge, la grand-mère, et si elle voulait te becter, pauvre con. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de famille ou quoi? Sauf que là, c'est une vraie histoire. Hein. Les parents avaient effectivement abandonné. Le papa était obligé d'ailleurs de demander pardon aux médias japonais. Il s'est excusé. Il a fait une courbette, vous voyez? Parce que C'est la contrition. La contrition, voilà. Il s'est courbé en signe de contrition devant les journalistes. Il a dit: mon acte excessif a forcé mon fils à vivre des moments pénibles. Je présente de profondes excuses à son école, aux secouristes, à tout le monde. Et on l'a retrouvé effectivement dans un abri militaire à 5 km de la route de forêt où il avait laissé ses parents abandonnés. Il est absolument adorable, quoi. Vous l'avez vu à la télévision? Non. Il fait des farces, il rigole. Ah oui? Ah oui! Il jette des cailloux sur les voitures. Moi, je croyais que c'était des Japonais, tu sais, genre les kamikazes. Dommage que vous n'ayez pas la télé, parce que... Tu interprètes très bien. Non, j'interprète bien. Au niveau des yeux, c'était près du nez ou pas? Et alors, donc, c'est terrible, cet enfant. Et l'autre con, il arrive, il dit, je m'excuse, mais ce mec, t'as le fusil. Devant l'enfant. Pour bien lui montrer. Yamato, quand même, l'a échappé belle, parce que dans Le Parisien, Robin Corda nous rappelle, ça c'est incroyable, que la forêt d'Hokkaidon, c'est le nom de la forêt où la... c'est le nom de la forêt où l'enfant a été abandonné. La forêt d'Hokkaido est dense, peu fréquentée. Elle est, moi ce que j'aime, c'est l'adverbe seulement. Écoutez bien, elle est seulement peuplée d'ours bruns. Seulement, il y a seulement des ours bruns. Non, mais attends, les parents, les parents sont cons, hein, quand même. Il l'avait enduit de miel avant de partir. Bon, en tout cas, c'est gagné, Maxime. Vous partez. Eh ben oui, c'est quand même assez chouette, à l'hôtel Riva Bella Talazur à Ouistreham. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Le village préféré des Français 2016 sur France 2 fête cette année son 5e anniversaire. Une nouvelle fois, je vous emmène sur les routes de France. Nous partirons à la découverte de 13 nouveaux villages magnifiques et de leurs habitants. En fin d'émission, je vous révélerai le nom du village que vous avez élu, le village préféré des Français 2016. Notez bien, le village préféré des Français, c'est demain à 20h55 sur France 2, en partenariat avec RTL. 118 712, le numéro de référence pour trouver un médecin. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça, hier Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non idiot, un pneu.

Ferrari. En effet, Mohamed Ali avait son étoile et a toujours son étoile sur Hollywood Boulevard. Qui applaudit comme ça? C'est pas chez moi. Merci, Pierre. Pourquoi? Parce que je suis bouleversé d'une telle science. Ouais. Mais comment t'as su ça? Oh, mais j'ai su ça. J'ai su ça depuis comme Laurent, en l'ayant lu dans le journal. Très récemment. D'ailleurs, Cassius Clay, mais qui est Clay? Cassius Clay, c'est Clay qui est content, oui. Tu te moques de son nom maintenant qu'il n'est pas là pour te mettre une tarte dans la gueule. Ben non, non, mais il a été tellement important pour le droit des Noirs. Il a quand même été le premier à saluer Martin Luther King, Mandela. Il a été activiste. C'est un grand personnage, en dehors du fait qu'il était un génial champion. Arrêtez. Le uppercut le plus connu du monde. Le quoi? Uppercut. Ce qui était formidable. L'uppercut. C'est insupportable. Mais il n'était pas du tout uppercut, il était au contraire. Il était crochet du gauche. Attends, swing du droit. Même était moi qui fais de la boxe quand même deux fois par semaine, j'avais pas compris uppercut. Comment vous dites? You say uppercut. Uppercut. Yes. Oh, bah alors là, demain, je vais frimer devant mon prof de boxe, mon coach, quand il va arriver. Je vais lui dire, dites donc, qu'est-ce que vous avez pensé de mon uppercut? Il va me dire, enlève tes chaussons, connard. Pourquoi vous allez en charentaise aussi là-bas? Oui, parce que je fais de la savate, monsieur. Ah. Non, il vient chez moi, mon coach. Non. Ah bah oui. Mais il y a un monde chez vous, c'est incroyable. Le livreur, le livreur de pizza. Incroyable. Vous faites de la boxe vous-même, Christophe Villeneuve? Non. Ça me le rend bien, d'ailleurs. On peut le voir. Non, je ne suis pas du tout. Mais c'est vrai que vous êtes léger. On peut dire que vous êtes catégorie mouche. Je vois très bien un combat de titan avec François Hardy. Mais je faisais remarquer à Christophe que je n'ai pas vu depuis 2-3 ans. You shape your body. Elle le dit. Ça veut dire quoi, you shape your body? Il a étoffé son corps, il a beaucoup plus d'épaules. Ça veut dire t'as pas grossi, toi? Racontez-nous ce que vous avez fait pour avoir chopé votre body. Non. Dans le but de choper celui des autres. Non, la vérité, c'est que je fumais et j'ai arrêté de fumer et du coup, j'ai fait un peu de sport en attendant et voilà. Ah, et donc, du coup, je suis plus dans un truc un peu plus sain qu'avant. Ça vous a réussi avec le petit t-shirt marin, c'est très réussi. Je prends les compliments. Gautier, c'est Jean-Paul Gaultier? Non, ça doit être une marque de merde. Montebourg. À Montebourg. C'est Montebourg. Donc tu dois être le champion du redressement, alors. Ah non, mais vous avez tapé dans l'œil d'Ariel, manifestement. Mais elle me l'a dit quand je suis arrivée tout à l'heure. Ah oui. Je trouve qu'il a changé en mieux et qu'avant, il faisait peut-être un petit peu adolescent haricot vert fragile. Maintenant, tu fais pas steak, maintenant. Elle a raison, hein. Et maintenant, il a un port athlétique et je l'ai admiré. Moi, quand je l'ai vu, je me suis cassé au courant, j'ai dit, si m'en mets une, ou je veux. Haricot vert fragile. Mais quel genre de sport, alors, vous avez fait, Christophe Willem? Non, mais tu sais, les trucs avec que le poids du corps, donc des pompes, des abdos, des trucs comme ça. Voilà. Faut encore bosser un peu quand même, hein. Par hasard, Laurent, on n'a plus un auditeur en ligne? Non. On a plus un auditeur du tout. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles? Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Chantier neuf ou réno pour les pros. C'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne. C'est signé Signat. Des doublages thermiques 100% efficaces pour tous mes chantiers. C'est signé Signat. Cloison, plafond, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, les pneus Kléber et Uniroyal sont à 49,95€ seulement. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Et voilà Valérie qui rentre, elle sort les courses et oh là là, elle surprend tout le monde avec ses verdures Alex aux couleurs des capitales d'Europe. Une exclusivité Carrefour en édition limitée. Absolument. Jusqu'au 18 juillet, pour 30€ d'achat chez Carrefour, le verdure Alex est à seulement 1€. Et demain, c'est Lisbonne et Londres. Ah, une collection comme ça, il faut pas la rater. Jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, collectionnez les verdures Alex 100% made in France. Le verre est à seulement 1€ par tranche de 30€ d'achat. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Quand on arrête de fumer, certaines habitudes sont souvent difficiles à perdre. Comme la cigarette que l'on fume pour se détendre en buvant un verre avec des amis. Et dans ces moments-là, on a parfois besoin d'un coach. À tout moment, votre application Tabac Info Service est là pour vous accompagner. En cas de coup dur, vous profitez d'astuces pour surmonter vos envies. Et pour entretenir votre motivation, vous recevez régulièrement des conseils personnalisés de tabacologues. Pour arrêter de fumer, téléchargez gratuitement l'application Tabac Info Service sur l'App Store et Google Play. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio, en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno, son système multimédia AirLink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990€ sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là ? Rien non plus. Et si vous passez la main là ? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Allez, tous chez Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL jusqu'à 18h. Christophe Willem, Philippe Geluck, Karine Le Marchand, il y a Bernard Mabi, Pierre Bénichou et Ariel Dombal. Une question pour Monsieur Michel Boulet qui habite Château-Thierry. On a appris la disparition ce week-end de Pierre Grimblat. Pierre Grimblat qui était le producteur, initiateur de nombreux téléfilms et séries à succès à la télévision comme Navarro évidemment avec Roger Hanin, mais aussi L'Instinct avec Gérard Klein. Il y a eu aussi Le Tuteur, je crois, avec Roland McDan. C'était aussi un réalisateur. Il avait lui-même réalisé quelques films. Pierre Grimblat qui est parti à l'âge de 93 ans. Et Pierre Grimblat surtout avait réalisé un film en 1969, vous allez me dire ça n'est pas jeune, mais un film important puisque c'est dans ce film que Serge Gainsbourg fit pour la première fois la rencontre avec Jane Birkin, oui. Puisqu'ils jouaient l'un et l'autre les personnages principaux de ce film réalisé par Pierre Grimblat. Ils ne se connaissaient pas avant le film, Gainsbourg et Birkin, et ils se rencontrent sur le tournage du film Tabou. Tabou, non. Totem. Totem, non plus. Le titre est en anglais. Pierre, alors, le titre marche en anglais comme en français, je crois, mais c'est un titre français. Un seul mot. Ouais, un seul mot. Je me souviens. J'étais pas loin. Hein. Ah, vous êtes pas... Ça s'est tourné en Afrique, je me souviens. Oh, ça a été tourné où vous pouvez, mais... Ah. À Venise. À Venise. Ah. C'était érotique. Je ne sais pas si Venise, vous considérez que c'est l'Afrique, monsieur Bénichou. Oui, c'est un peu l'Afrique. Je crois que vous confondez avec le film de Serge Gainsbourg. Le film que Serge Gainsbourg a réalisé lui-même, qui lui s'est tourné en Afrique. Ah, voilà. Avec Francis Huster, c'est si ma mémoire est bonne. Pardon. C'est un verbe qu'on cherche ? Un verbe, non. Ça a un rapport avec Venise ? Ah, genre ça, gondole ? Non, non, ça s'est tourné à Venise en Italie. Et... Remets ton slip gondolier ? Non. Non. Ça, c'est le titre d'un roman de Frédéric Dard. Et au début, Serge Gainsbourg snobait Jane Birkin. Il ne voulait pas lui parler et ça commençait mal le tournage de ce film. Ouais. Et finalement, Pierre Grimblat a décidé d'organiser un dîner à Troyes, où il n'est pas venu. Il les a laissés l'extrait. Tous les deux. Et le dîner était chez Maxime. Et on sait... Ah non, c'était à Venise. Non, à Venise. Et on sait comment ça a tourné, finalement. Ah bon hein. Non, c'est parce que t'es passé alors... devant chez Maxime, c'était inondé, t'as cru que c'était Venise. C'est donc, un prénom. On cherche un prénom, le titre. Je peux vous raconter l'histoire du film, ça va peut-être vous donner le titre. Ah, je sais, je crois. Slogan. Oui. Slogan. Bonne réponse de Bernard Mabi. Slogan. Mais comment ça s'est revenu en fait. Du mal, non. Mais quand j'ai dit tabou, je pensais slogan. C'est d'une mauvaise foi, mais alors. Quelle est menteuse. Il a été marié 5 fois, Pierre Grimblat, quand même. Oui. Vous le connaissiez, vous, Ariel Dombas? Non, je l'avais rencontré une fois, en effet. Et d'ailleurs, c'est. Bel homme. Non, mais j'ai... Non, mais il n'était pas particulièrement beau, non, on peut pas dire. Il avait du charme, il avait du charme. Il y avait quelque chose. C'est ce qu'on dit d'un homme moche, il a du charme. Il avait de l'oseille, mais il n'avait pas de charme. Il a été condamné à mort pour fait de résistance, hein, c'est quand il avait 21 ans, et il a commencé en fait à se faire connaître en écrivant des poèmes. Il a écrit ses premiers poèmes en prison quand il était condamné pour fait de résistance, et quand il est sorti, quand il a échappé de justesse au peloton d'exécution, il a déclamé ses poèmes dans des cabarets à la libération, voilà, aux terrasses des cafés à Saint-Germain-des-Prés, et Boris Vian et Raymond Queneau l'ont encouragé et découvert. Vous voyez, j'ai dit Boris Vian. Oui, mais ça c'est pas la question, Ariel, vous voyez. Oui, mais quand même, j'en sais des choses. Vous sauriez me chanter un petit truc de Gainsbourg, Ariel? Ne vous déplaise en chantant la javanaise. Et Christophe va continuer. Nous aimions le temps d'une chanson. J'avoue, j'en ai rêvé par vous, mon amour. Avant d'avoir bu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Merci Ariel. Comme j'ai entendu. Pierre Bénichoux n'a vraiment peur de rien. Mais c'est-à-dire qu'il coupe Christophe Willem, qui a une des voix les plus magnifiques de la chanson française. Quand il a commencé, en disant c'est peut-être le nouveau Bénichoux. Oh Pierre, quand t'as attaqué, on aurait dit l'amant qui sortait du placard. Non, on a surtout vu que c'était le Gainsbourg sans gêne. Hein. Non, mais c'est vrai, elle nous avait interrompu un duo magnifique qu'ils auraient pu nous faire. Gainsbourg-Birking à eux deux, vous voyez, Ariel et Christophe. C'est autre chose que Pierre Bénichoux et sa voix. Comment je pourrais la qualifier, votre voix, Pierre? Il s'en va, là. Il part pisser. Je donne un concert à côté. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. RTL. Gagnez plus. Vous êtes amateur de sensations fortes ou curieux de découvrir de nouvelles expériences? Tentez de gagner un séjour pour 4 personnes au Futuroscope en répondant à la question suivante. À quelle grande signature artistique s'est associé le Futuroscope pour créer sa nouvelle aquaférie nocturne? Rendez-vous vite sur futuroscope.com pour trouver la réponse et appelez le 3210, 34 centimes la minute. Bonne chance. Anti-Vichère et chez Intermarché pour encore une semaine. Eh oui, tentez de gagner 2 places pour la finale de l'UEFA Euro 2016 avec Coca-Cola en faisant vos courses chez Intermarché. Oh, ça c'est du cadeau qui va droit au but. Venez vite jouer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité et magasin participant sur intermarché.com du 24 mai au 12 juin. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genou. Vite, le roller pur essentiel articulation et muscles est le geste antidouleur qui agit par massage express grâce à sa bille massante. Son efficacité apaisante naturelle, rapide et durable est garantie. Pur essentiel roller articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Petit message Peugeot en forme de contrôle routier. Bonjour monsieur. Bonjour. Contrôle des pneus. Ah, ben, allez-y. Pas bien. Ah, parfait. Vous êtes passé chez Peugeot apparemment. Oui. Alors c'est bon, vous pouvez circuler. Bonne route. Du 9 au 11 juin, pendant les portes ouvertes Peugeot, pour tout achat de pneus, Peugeot vous rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis un poème d'Hugo, tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 528 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 8 juin. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno, son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 € sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Chantier neuf ou réno, pour les pros, c'est signé Signat. Des plaques de plâtre très résistantes pour les douches à l'italienne, c'est signé Signat. Des cloisons conformes aux normes acoustiques des écoles ou des hôpitaux, c'est signé Signat. Cloisons, plafonds, doublage, Signat fabrique des plaques de plâtre pour les pros. Retrouvez Signat chez vos distributeurs en matériaux ou sur signat.fr. Il est 17h38 et c'est l'heure de la bourse en direct sur RTL avec les Échos Investir. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Virginie. Les valeurs pétrolières se distinguent aujourd'hui. Et oui, dans un CAC quasi stable à 4423 points, eh bien on remarque bien sûr la progression de quelques valeurs et notamment les pétrolières Total, Technip, Vallourec, tout ça, ça gagne plus de 2,5%. Elles sont soutenues par la progression des cours du baril, bien sûr. Le Brent se rapproche ce soir des 51 $ et ce pour plusieurs raisons. La réunion de l'OPEP d'abord de la semaine dernière n'a pas changé la donne et elle a même montré que l'Arabie Saoudite se voulait plutôt conciliante. L'autre raison qui explique la bonne tenue du baril, c'est la baisse du dollar. Lorsque la devise américaine fléchit, cela réduit un peu la facture pour ceux qui achètent du pétrole et cela incite les traders à être plus actifs. Or, le dollar a baissé vendredi après l'annonce des mauvais chiffres de l'emploi en mai aux États-Unis, laissant présager un statu quo sur les taux d'intérêt. Le discours de Janet Yellen, la présidente de la Fed, dans une heure, sera donc très écouté aussi. Du côté des valeurs, à Paris, c'est également la Compagnie des Alpes qui joue les vedettes. L'action grimpe de 5,6%. Le chinois Fosun, propriétaire du Club Med, serait sur le point d'entrer dans le capital du groupe de loisirs à hauteur de 10 à 15%. À l'inverse, Nexans perd 6% après l'abaissement de recommandations de la part de Goldman Sachs. À demain Virginie. À demain Sylvie. Bonne soirée. Vous aussi. Et tenez, voici quelqu'un qui a la cote, Bernard Mabille. N'oubliez pas que notre grosse tête Bernard Mabille sera au Théâtre Antoine à la rentrée à partir du 10 octobre prochain pour son one-man show. Une citation pour Stéphane Grégoire maintenant, qui habite Gaillac dans le Tarn, qui a dit, attention, pas facile cette citation, « L'optimiste pense qu'une nuit est entourée de deux jours, le pessimiste qu'un jour est entouré de deux nuits. » Ah, c'est joli. Ah, oui. C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est joli quand même. C'est joliment dit. C'est mieux c'est français dit. Même. Alors, c'est français, comment vous dire? C'est quelqu'un qui est né et mort à Paris, mais qui n'a pas un nom typiquement français, on va dire. Il est mort il y a longtemps. De par ses origines. Ah, il est mort effectivement en 1953, il avait 74 ans. Il a des origines de l'Est? Non, pas du tout. Du Sud? Du Sud, ah bah, qu'est-ce que vous appelez du Sud? Plutôt... Espagnol, pas tout à fait. Neruda, portugais. Neruda. Neruda, non. D'origine européenne? Oui, oui, oui. Alors, non, comment vous dire? Ah, pied noir. Ah, okay. Oui, Afrique du Nord. Il est né à Paris et il est mort à Paris, mais ses parents, évidemment... étaient d'Afrique du Nord. Oui, voilà. Non, pas d'Afrique du Nord. D'Afrique. De Tunisie. Non, non plus, non. De loin. D'Afrique centrale. Non, de très loin, ils étaient. D'Amérique du Sud. Oui, plutôt, voilà. D'Amérique du Sud. Ah oui, mais c'est... Alors, Julio Cortázar. Quoi vous dites? Julio Cortázar. C'est pas Gary? Julio Portage, elle a dit. Julio. Julio Cortázar, qui est mort à Paris, oui, un escritor de América Latina. No lo conoces? Et no lo conoces. C'est pas Bigabia. No lo conoces non plus. Est-ce qu'il était écrivain ou est-ce qu'il était... Chanteur. Alors, il était un peu écrivain, mais pas seulement. Il était avant tout aussi... Politique. Politique, non. Chanteur, peintre, non. Peintre, oui. Artiste peintre. Ah. Donc, je vous ai dit Picabia, c'était pas et ça. Et c'est Picabia. Ah, bonne réponse, Francis Picabia. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Alors, c'est une nuit entourée. L'optimiste, c'est une nuit... Vous voulez que je vous redonne la phrase? Non, oui, réécoutez en podcast, on va gagner du temps.

Hashtag trop cool. L'hashtag si tu veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. Jusqu'au 30 juin, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris dynamique suréquipée est à partir de 139 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Toyota. Offre particulier pour Yaris Dynamic 5 portes 69 VVT-i en location longue durée 37 mois 45 000 km premier loyer 1 750 €, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire toyota.fr. Sur RTL, l'invité mystère est prêt, je crois que les grosses têtes aussi. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Mes camarades vont vous poser toutes sortes de questions, vous vous attendez à tout j'imagine. Oui. Oui. You are men. Êtes-vous un homme ? Demande Bernard Mabie. Je traduis. Yes. Est-ce que vous avez fait de la boxe ? Non. Parce que je pensais... Alors on peut y aller. Est-ce que vous êtes alors plutôt quelqu'un de sportif, peut-être ? Bof. Ça saute pas aux yeux quand on vous voit tout nu ? Bof. Est-ce que vous avez beaucoup de cheveux sur la tête ? Oui. Invité mystère, est-ce que vous êtes né en territoire français ? Oui. Sur le continent ou dans les colonies ? Insupportable. J'en ai marre. Bah, attendez, c'est normal ? Oui. En métropole. Est-ce que vous êtes célibataire ? Non. Y a-t-il dans votre famille des personnes connues par le public ? Oui. Votre femme ? Père. Votre compagne ? Non. Votre mère ? Votre mère. On va y arriver. Un cousin votre éloigné ? Cousine, ouais. Votre sœur est connue ? Non, mais votre frère. Tante, peut-être. Votre frère. Votre belle-sœur. Ah, votre frère. Donc les deux frères sont connus pour la même activité professionnelle. Êtes, vous êtes beaucoup plus connu que votre frère tout de même. Hein. Pour la même activité professionnelle ? Non. Voici un premier indice musical. Vous reconnaissez cette musique, évidemment, invité mystère. Oui. C'est une musique de film. Oui. C'est la chorale. Oui, est-ce que ce n'est pas la musique d'un Kusturica ? Non. En tout cas, vous êtes dans le milieu du cinéma. Oui. Pas seulement. De la musique aussi. Non. Moins. Moins. Du théâtre aussi. Théâtre. Non. Ah. De la boulangerie. Ce matin, oui. Cinéma et pas seulement. Télé aussi, peut-être, non ? Ah oui. Ah. Ah. Et pas seulement. Cinéma, télé et encore d'autres choses. Radio. Non, pas radio. Non. Ariel Dombal me fait déjà une proposition. J'ai évidemment hâte de la lire. Viens chez moi ce soir à 21h. Ah, Ariel propose le frère de Patrick Poivre d'Arvor. Olivier, mais alors pourquoi il serait plus connu que Patrick maintenant, alors selon vous alors. Il y a eu une hésitation, deux frères connus. Non, voilà. Non, ce n'est ni Olivier, ni Patrick Poivre d'Arvor. Vous êtes acteur ? Parfois. C'est pas pour ça qu'on vous connaît le plus. Non. Réalisateur ? Oui. Deux fois pour l'instant, hein, seulement. Oui. Fiction. Fiction, deux fois seulement. Mais vous avez peut-être oublié pour l'instant son activité principale. Ah, ça y est, alors j'ai trouvé. Peut-être qu'Ariel Dombal... Et êtes-vous écrivain ? Oui. Par hasard, vous êtes écrivain, est-ce que vous êtes aussi philosophe ? Non. Ah d'accord. Ah, oui, parce que j'avais une idée, mais... Voici un autre indice. La piste, toute est publicité. Le marché pris la liberté. De faire ma propre publicité. Évidemment, Philippe Gueluc et j'en suis sûr Bernard Mabie, grâce à cet indice, ont déjà identifié notre invité mystère. Bravo Bernard, bravo Philippe. Vous savez que je ne suis pas une balance, mais Ariel Dombal me fait des petites mines pour que je lui souffle. J'aurais voulu qu'il écrive sur le papier. Non. Bon. Ah ben vous trichez comme ça, Ariel. Ah mais non, c'est le. Alors on, voilà, on est tous les deux. Faut dire qu'elle n'a pas de chance, elle est à côté de Bénichou, c'est sûr qu'elle ne peut pas copier. Hein. On est tous les deux dans la lessive. Moi, le chat et l'Ariel, mais il n'y a pas de. On ne mélange pas. On peut dire que vous avez traversé. Et Bénichou, c'est pas le génie, hein. Christophe, toujours rien. Non. Alors, écoutez, faut poser des questions. On peut dire que vous avez traversé plusieurs fois la ligne blanche. Ah, vous avez trouvé aussi, vous, oui. Alors. Pas mal, j'ai, mais. Christophe Willem vous a identifié aussi. Bravo, Christophe. Trois grosses têtes sur six savent maintenant qui vous êtes. Je vais leur demander, donc, évidemment, de donner le nom de l'invité mystère. Tant pis pour Ariel Dombal, Pierre Bénichou et Karine Le Marchand qui vont avoir la honte de leur vie. C'est moi, j'ai dit que je savais. Surtout que je les connais très bien. Pas moi. Philippe, Christophe et Bernard, notre invité mystère, c'est. Bec BD. Frédéric Bec BD, évidemment. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. 118 712. Le numéro de référence pour trouver un plombier. 118 712. Appel facturé 50 centimes d'euros la minute, plus 2,19€ par communication, plus prix de l'appel, y compris durant la mise en relation. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça, hier Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après vente, avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers, pose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Manon, sociétaire massif. Quand il s'agit d'optimiser notre budget, je suis toujours là. Un café, s'il vous plaît. J'ai changé nos abonnements de téléphone et là, je m'attaque à l'assurance du prêt immobilier que nous venons de signer. Avec la Massif, j'ai le pouvoir de changer l'assurance de mon prêt immobilier et d'économiser 10 000 euros. En plus, la Massif s'occupe de toutes les démarches. Massif, essentiel pour moi. Calculez vos économies dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Sous conditions et selon profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Massif Mutualité, mutuelle du livre 2 du Code de la Mutualité. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare. Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Et les revoici, les grosses têtes et Laurent Ruquier avec leur invité d'honneur. Juste le temps de vous dire qu'à 18h dans RTL Soir, présenté par Marc-Olivier Fogiel, ses invités seront le juge antiterroriste David Bénichou et puis aussi, deuxième invité, David Ginola qui a failli perdre la vie suite à une crise cardiaque. Frédéric Becbédé était bien notre invité mystère. On m'a dit. Il réalise son deuxième film, L'Idéal, qui sort mercredi 15 juin prochain. Donc pas ce mercredi, hein, le mercredi d'après, avec Audrey Fleurot, Gaspard Proust et Jonathan Lambert dans les principaux rôles. La beauté, c'est parfois moche, c'est le sous-titre de L'Idéal, votre nouveau film. Deuxième film, même si effectivement on a entendu en premier indice, une musique qui a servi au film 99 francs, qui était tiré de votre best-seller. Mais celui-là, c'était pas vous qui l'aviez réalisé, c'était Yann Kounen à l'époque. Pourquoi d'ailleurs le premier, vous l'aviez pas fait vous-même? Parce qu'on me l'avait pas demandé. Et puis je trouve qu'il est très réussi comme il est. Donc j'étais très heureux du travail de Yann. On n'est plus dans la publicité. On n'est pas non plus dans une comédie romantique comme on l'était avec L'amour dure 3 ans. On est vraiment dans le monde du luxe, de la beauté si chère à Ariel Dombal. Elle aurait pu être, je dois dire, dans le film, une apparition, une silhouette, Ariel, dans L'Idéal, car c'est un monde que vous connaissez bien, celui du luxe et de la beauté, Ariel. Oui, absolument. Tout est luxe, calme et volupté. Tout le monde connaît ça. Oui, alors là, pas vraiment, dans le film de Frédéric Becbédé, autant vous dire qu'il y est allé à donf. Oui, c'est luxe, folie et délire. Mais il y a de la volupté, quand même. Il y a Gaspard Proust. Proust est couvert de femmes nues dans ce film, et c'est vrai que c'est très agréable à Il paraît, moi je ne vous connais pas, je ne cherche pas tellement à vous connaître. Parce que je connais beaucoup de Français, moi, qui travaillent pour gagner leur vie. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est, à ce qu'il paraît que Gaspard Proust, hein, rien à voir avec l'auteur des Misérables. Hein. Non. Non. À ce qu'il paraît que Gaspard Proust, c'est votre double. Il interprète votre rôle. Oui, c'est alors, exact. Alors, je vais vous demander, monsieur Fellini, quand Mastroianni est couvert de femmes, c'est que vous l'êtes ou pas? Eh ben, Gaspard Proust, quand il est couvert de femmes, c'est qu'il y a plein de gonzesses sur toi ? Non, c'est mon rêve, c'est mon idéal, c'est le titre du film. Mais oui, non, quoi, c'est une fiction. Je pense que quand on écrit, c'est pour améliorer sa vie. Pas, bah pour, oui. pas pour juste se contenter de la retransmettre comme ça. Oh, bah on la transforme pour... par j'ai la bien, littérature j'ai... et le style, monsieur. J'ai bien fait de ne pas écrire. Ah bah, si vous aviez écrit Au secours, pardon, ou au moins si vous l'aviez lu, vous sauriez justement que c'est à partir de son propre livre que Frédéric Becbédé a adapté l'idéal. Mais bon, vous avez pris des libertés par rapport au roman. Oui, parce que c'était il y a 10 ans et depuis, il s'est passé tellement de choses, le luxe a tellement changé. C'est une industrie maintenant qui passe beaucoup par Internet et par les réseaux sociaux. Et donc le scout que joue Gaspard Proust recrute les filles aussi. Alors avec voilà, cette moi nouvelle technologie. Ce que c'était que ce mot-là, ce scout, ouais. comme ah, vous c'est dites. C'est les filles qui arrêtent dans la rue. Alors, ouais. C'est que c'est ouais. quoi ça Alors maintenant, ils le font de moins en moins dans la rue, parce qu'en fait, les filles sont spontanément candidates sur Instagram ou. Voyez. Et oui. Et puis surtout, ce qui est marrant, c'est de montrer comment on transforme les corps avec les retouches numériques. Donc il y a une scène où il les, avec ses doigts, il les allonge, il les rétrécit, il les corrige. Et puis il faut dire aussi que, évidemment, la marque L'Idéal, hein, non pas L'Oréal, la marque L'Idéal est au cœur d'un gros scandale parce que son modèle numéro 1, son égérie, a tourné dans une sorte de sextape. Oui, habillé en nazi, voilà. en SS. Oh là, oui, c'est pas génial. C'est pas bon pour l'image de la marque. Là, moi, j'aurais pas. Tu fais ce que tu veux, hein. Je veux pas t'embêter, te découvrir ma vie, des conseils, des trucs. Maintenant t'es grand, mais j'aurais pas mis un truc nazi. Est-ce que parce c'est... qu'il y a beaucoup de Français à qui ça a pas laissé un bon souvenir. Et pas dans la gueule. Vous avez été gentil avec votre frère, parce que c'est vrai qu'il n'est pas connu par tout le monde non plus, Charles Becbédé, par rapport à vous. Vous êtes quand même beaucoup plus célèbre que lui. Vous me demandez s'il y a quelqu'un d'autre de connu dans la famille, oui, non, quand même. Ah ben, bien sûr, il est connu par les gens de droite, oui. Audrey Fleurot, qui est magnifique, hein, je dois dire, et drôle, surtout parce qu'elle est, elle a un rôle très très drôle, comme Gaspard Proust, et Jonathan Lambert, qui peut-être est celui qui a le rôle le plus drôle des trois encore dans ce film. Allez-y pour leur performance, évidemment, pour le rire que déclenche l'écriture de Frédéric Becbédé, vous allez vous amuser, ça sort le 15 juin, ça s'appelle L'Idéal, et Audrey Fleurot fait aussi la une du magazine Lui, je le rappelle. Oui. L'Idéal sort le 15 juin dans les salles de cinéma, courez-y pour vous amuser avec Audrey Fleurot, Jonathan Lambert, Gaspard Proust, le nouveau film de Frédéric Becbédé. Merci Frédéric merci beaucoup, d'être venu aux Grosses Têtes. Avec les téléphones et smartphones d'Oro, échangez avec vos proches, partagez vos photos ou trouvez une adresse. Découvrez la simplicité des smartphones d'Oro sur doro.fr. RTL, toujours avec vous. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. RTL, il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, l'euro sous haute sécurité. Au moment où les services secrets ukrainiens annoncent avoir arrêté un Français de 25 ans qui s'apprêtait, selon eux, à commettre une quinzaine d'attentats avant et pendant l'euro, le préfet de police de Paris, lui, annonce renforcer les effectifs affectés à la sécurité de la compétition. Alors, à 4 jours du coup d'envoi, on va tout vous dire du profil de ce terroriste présumé d'extrême droite. On va se demander s'il faut faire confiance aux Ukrainiens. Et à 18h20, un juge antiterroriste, David Benichou, a accepté de venir faire le point sur l'état de la menace. Le 18h, Isabelle Choquet. RTL Soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Et pendant ce temps, les Bleus s'entraînent paisiblement à Clairefontaine. C'est la dernière fois qu'on les voit avant le match d'ouverture de l'Euro. Et RTL est présent, bien sûr. Les inondations, toujours 7 départements en alerte orange. Ailleurs, c'est la décrue, le temps des assurances et du nettoyage. Celui de la solidarité aussi, vous allez l'entendre. L'Euro et les inondations n'y font rien. La grève se poursuit à la SNCF. Ultime séance de négociation aujourd'hui, selon une mise en scène bien rodée. À suivre également... Emmanuel Macron très chahuté ce matin à Montreuil, on lui a même jeté des œufs. Et puis, une mauvaise passe pour la SPA, une enquête préliminaire est ouverte après une plainte, notamment pour escroquerie et abus de confiance. La Bourse de Paris, elle termine quasi stable ce soir à 4 423 points. Les courses à Auteuil, il fallait jouer le 4, le 6, le 12, le 16 et le 14. À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, l'euro, vous l'avez compris, J-4, les équipes prennent leur quartier en France, mais qui a décidé de leur point de chute, comment ça s'organise et qui paye? Puis direction les coulisses de l'actualité, c'est le rendez-vous incontournable de la recherche contre le cancer, on vous amène en coulisses du Congrès international d'oncologie de Chicago. 18h30, Alain Duhamel, le panache rouge de Jean-Luc Mélenchon. 18h35, document RTL, un miraculé. Il y a un peu plus de 15 jours, David Ginola a failli perdre la vie terrassé par une crise cardiaque. Malgré un quadruple pontage, il commentera bien l'euro pour M6 samedi. El Magnifico se confie donc tout à l'heure sur RTL. 18h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. À nouveau de la grisaille, à nouveau des averses, attention. Oui, de la grisaille demain matin sur la moitié nord du pays. Beaucoup d'humidité, donc des nuages bas et des brouillards assez denses, notamment sur le nord-ouest du pays, et de l'instabilité dans l'après-midi. Donc retour des averses sur une bonne partie du pays. Averses parfois fortes, orageuses, avec de la grêle autour du Massif central ou encore dans le Val-de-Loire et sur le quart nord-est du pays. Ce sera plus calme, plus ensoleillé sur la côte atlantique et près de la Méditerranée. Température très douce, 12 à 18 degrés pour demain matin et 21 à 29 dans l'après-midi. A tout à l'heure, Patricia. RTL Soir. Et si l'information se confirme, Isabelle, il y a de quoi avoir des frissons rétrospectifs. L'homme arrêté il y a plus de 2 semaines en Ukraine préparait une quinzaine d'attentats pendant l'euro. Oui, ce Français de 25 ans a été interpellé le 21 mai alors qu'il transportait 125 kilos de TNT, des lance-roquettes, des kalachnikovs et des munitions. Selon les services de sécurité ukrainiens, il avait planifié 15 attaques terroristes en France contre une synagogue, une mosquée ou des centres des impôts. Un deuxième homme est toujours recherché. Bonsoir Damien Delceni. Bonsoir. Bizarrement, aucun des données fichées. Aucun. Et ce n'est pas la seule bizarrerie de cette affaire. En fait, il y a deux visions de ce dossier. Celle des services ukrainiens, qui est ouvertement alarmiste, et celle des policiers français, qui sont eux beaucoup, mais alors beaucoup plus prudents. Côté ukrainien, on affirme que le jeune Grégoire Moutot a été surveillé, filmé pendant des semaines jusqu'à son arrestation, vous l'avez dit, le 21 mai dernier, près de la frontière polonaise, dans sa voiture, un arsenal impressionnant, renforcé par ses déclarations aux policiers ukrainiens. Le timide employé d'une coopérative agricole alsacienne voulait, selon eux, faire trembler la France. Mosquées, synagogues, centres des impôts, autoroutes. La liste de ses cibles est tout aussi terrifiante que son matériel. Mais toute cette histoire est accueillie avec une grande prudence en France. Pour ne pas dire plus, le parquet antiterroriste qui suit le dossier depuis la semaine dernière affirme ne pas disposer d'éléments suffisants pour ouvrir une enquête. Quant aux enquêteurs de la PJ, ils n'ont pas trouvé grand-chose en perquisitionnant la ferme du suspect dans la Meuse, mis à part un t-shirt d'une association d'extrême droite. C'est assez mince. Quant à son complice, présent lui aussi comme un agriculteur, il présente exactement le même profil étonnant, loin, très très loin de celui d'un terroriste aguerri. Damien Delceni du service police-justice de RTL à 18h20, la menace sur l'euro, on en reparle avec un juge antiterroriste, David Benichou. Et dans ce contexte, la sécurité de l'euro est renforcée. 3000 policiers vont venir s'ajouter aux 10 000 hommes déjà mobilisés en Ile-de-France pendant la compétition. Le Stade de France et le Parc des Princes seront particulièrement surveillés. Une affaire qui survient donc à 4 jours du début de l'euro. Et les Bleus sont bien loin de tout ça. Et heureusement pour eux. Oui, l'équipe de France est de retour à Clairefontaine après sa